Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le jeune sorcier le plus connu au monde. Voldemort a renforcé son emprise sur le monde des sorciers aussi bien que celui des moldus, et Poudlard n'est plus un endroit sûr. Harry Potter est d'ailleurs persuadé que le danger rôde à l'intérieur même de l'école, mais Dumbledore est plus soucieux de le préparer pour la bataille finale qu'il sent approcher à grands pas. Cette année, le passé renferme un noir secret. Ce que tu vois, ce sont des souvenirs. Celui-ci est le plus important que j'ai recueilli. Sortez d'ici tout de suite! C'est aussi un mensonge. Et lui seul. C'est toi l'élu, Harry. Peut découvrir la vérité. Oh, elle s'intéresse à toi que parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. Désolé, je blaguais. Un film de Warner Brothers Pictures. Sans se souvenir, nous laissons le hasard décider du sort de notre monde. Tu ne dois pas échouer. Harry, tu as besoin de nous. Défendez-vous, espèce de lâche! Harry Potter et le prince de sang mêlé, avec David Radcliffe, un DVD et Blu-ray en vente dès aujourd'hui.